Chapitre 3e. Le crime apparut aussitôt à la police et au public comme aussi maladroit qu'horrible. Certainement, il ne devait pas être difficile d'amener à l'échafaud son auteur. Le motif n'était pas malaisé à trouver. Chercher à qui profite le crime, disent nos confrères français. Il y avait même quelque chose de plus que cela. Le policeman James Batley, en entrant dans le croissant du parc, la nuit tragique, quelques minutes après avoir entendu 2h30 sonner à l'église voisine, avait aperçu deux gentlemen en par-dessus et chapeau haute forme qui, bras dessous, s'appuyaient contre la grille du square près de la porte. Naturellement, il ne put distinguer leur visage, mais il entendit l'un d'eux dire « Ce n'est qu'une question de temps, monsieur Cohen. Mon père me grondera, mais il paiera. Vous ne perdrez rien pour attendre. » L'agent, qui avait déjà dépassé les deux hommes, n'entendit pas la réponse. Quand sa ronde le ramena à cet endroit, il n'y avait plus personne, mais ce fut là qu'on trouva le lendemain les deux clés de monsieur Cohen. Un autre fait intéressant, ajouta le bonhomme dans le coin, avec un de ses sourires à la fois naïfs et sarcastiques, et tel que je n'en ai jamais vu qu'à lui, ce fut bien cette fameuse trouvaille du revolver sur la scène du crime. On montra cette arme au valet de M. Ashley, qui l'a reconnu formellement comme appartenant à son maître. Tous ces faits constituaient évidemment une solide chaîne de présomption. Rien d'étonnant à ce que la police soit venue l'arrêter, un matin chez lui, exactement une semaine après la perpétration du crime. Le jour de l'enquête du coroner, à mesure que les témoins à charge défilaient, la situation de l'accusé devint de plus en plus sérieuse. Les membres du Harewood avaient vu la colère de M. Ashley après ses grosses pertes et entendu ses menaces. Quant à M. Haverhill, malgré son amitié pour M. Ashley, il fut forcé de reconnaître qu'il l'avait quitté au coin de Bond Street à 2h15 et qu'il ne l'avait revu que le lendemain. La foule élégante qui emplissait la salle et où l'on remarquait un grand nombre de personnalités connues jugeait le cas très mauvais pour l'accusé. Le témoignage d'Arthur Shipps, valet de M. John Ashley, fut spécialement grave. Il déposa que la nuit en question, son maître était revenu à la maison à environ 2h10. Shipps n'était pas encore couché. 5 minutes plus tard, M. Ashley ressortit et dit au valet de ne plus l'attendre. Shipps ne savait pas précisément à quelle heure le gentleman était revenu. Cette courte visite chez lui, sans doute pour y prendre le revolver, fut considérée comme très significative. Les amis de M. John Ashley sentaient que son cas devenait presque désespéré. La déposition du valet et celle de James Batley, l'agent qui avait entendu les propos échangés entre M. Cohen et M. Ashley contre les grilles du square, constituaient en effet deux preuves presque accablantes. M. John Ashley, solidement bâti, un peu le type classique de l'homme de cheval, manifestait au banc des accusés une grande tranquillité. De temps en temps, il disait, sans aucune nervosité, deux mots à son avocat. Il écouta gravement, avec à peine, parfois, un imperceptible haussement d'épaule, le récit du crime tel que la police le reconstituait devant l'audience horrifiée. Selon ce récit, M. Ashley, affolé par ses pertes au jeu, était tout d'abord rentré chez lui prendre une arme, puis s'était posté sur le chemin de M. Aaron Cohen. Il avait demandé un délai probablement refusé par le juif. Il l'avait poursuivi de supplications importunes jusqu'à sa porte. Voyant son créancier intraitable, il s'était alors précipité sur lui à l'improviste et l'avait étranglé, puis, craignant de ne l'avoir pas tué, il lui avait tiré 2 coups de revolver, mais d'une main si énervée et si tremblante que les balles n'avaient fait que frôler le cadavre. L'assassin avait alors vidé les poches de sa victime. Et ayant trouvé les clés, il avait naturellement pensé qu'un excellent moyen d'échapper aux poursuites imminentes serait de traverser le square, passant sous le tunnel, et de sortir par la porte la plus éloignée qui fait face à la place de Portland. Dans son affolement, il avait oublié le revolver auprès du corps de sa victime. Les criminels, même expérimentés, commettent souvent des actes plus dangereusement étourdis que celui-là. M. John Ashley ne semblait pas ému outre mesure par le récit de son crime. Il n'avait pas pris pour avocat une de ces lumières du barreau, qui savent si bien amener les témoins à se contredire. Oh Dieu non! Il s'était contenté d'un bon gros avocat de métier, à l'air très provincial, et dépourvu du désir de faire sensation. Celui-ci se leva tranquillement, et dans un silence religieux, appela le premier des témoins des charges qu'il avait convoqués. Il produisit 3 membres, il aurait pu en produire 12, du Cercle des Beaux-Arts de la rue de Portland, qui déclarèrent formellement à 3h du matin, le 6 février, c'est-à-dire au moment même où les cris de « à l'assassin » éveillaient les habitants du square du Park West, M. John Ashley, confortablement assis dans un fauteuil de ce club, jouait au bridge avec eux. Arrivé quelques minutes avant 3 heures, ainsi que le portier du club l'affirmait, il était resté à jouer environ 1 heure et demie. Or, il y a bien 10 minutes de marche du square du parc au club des Beaux-Arts. Je n'ai pas besoin de vous dire que cet alibi indiscutable fut une véritable bombe dans l'édifice de l'accusation. Le criminel le plus accompli ne peut être à 2 endroits à la fois. Le club des Beaux-Arts est relativement fermé, et ses membres appartiennent à la bonne société. 20aine au moins, dont le témoignage était au-dessus de tout soupçon, avait vu M. Ashley et lui avait parlé au moment même où le crime se commettait. L'attitude de M. John Ashley pendant cette étonnante phase de l'audience resta parfaitement calme et correcte. C'était sans doute la certitude de pouvoir prouver son innocence qui lui donnait cette impassibilité et ses immédiates réponses qui furent claires même en ce qui concernait le délicat sujet du revolver. Je quittais le Harewood Club, expliqua-t-il, absolument déterminé à avoir un entretien avec M. Cohen, et à lui demander un délai pour le règlement de ma dette. Vous comprendrez aisément que je ne tenais pas à faire cela en présence d'autres personnes. Je rentrais chez moi et y restais 1 ou 2 minutes, non pas pour prendre le revolver, ainsi que la police le prétend, car j'en porte toujours un sur moi par les temps de brouillard, mais afin de voir si une lettre d'affaires extrêmement importante et que j'attendais n'était pas arrivée en mon absence. Je ressortis et rencontrai M. Aaron Cohen, non loin du Harewood Club. Je m'excusai des paroles un peu vives que, dans l'énervement d'avoir tant perdu, je m'étais laissé aller à prononcer, et notre conversation retrouva dès lors le caractère le plus amical. Je le reconduisis jusque près de chez lui et nous nous séparâmes en haut de la place de Portland, près de l'entrée du square, là où le policeman nous a vus. M. Cohen voulait rentrer chez lui en traversant le square, ce qui, naturellement, était beaucoup plus court que d'en faire le tour. Je lui fis remarquer que le square, avec son tunnel, était dangereux par un tel brouillard, surtout pour quelqu'un qui portait une forte somme et que des malfaiteurs avaient pu s'y introduire en escaladant la grille. Finalement, je le persuadai de prendre mon revolver, car pour aller au Cercle des Beaux-Arts, puis pour rentrer chez moi, je ne passais que par des rues assez fréquentées et je n'avais rien de précieux sur moi. J'ajoute que j'étais très heureux de faire une politesse à mon créancier. Après s'être fait un peu prier, M. Cohen accepta de prendre le revolver et c'est ainsi que l'on put trouver cette arme sur la scène du crime. J'ai quitté M. Cohen quelques minutes après avoir entendu sonner à une église 3h moins le quart. Il s'engageait dans le square, j'arrivais au Cercle des Beaux-Arts vers 3h moins 5, car il y a environ 10 minutes de marche de l'endroit où je quittais ce pauvre M. Cohen jusqu'au Cercle. Cette explication était d'autant plus plausible que l'accusation n'avait jamais bien expliqué la présence du revolver à côté du cadavre. Quelqu'un qui a réussi à étrangler sa victime ne s'attarde pas d'ordinaire, quoique cela puisse arriver, à lui tirer encore des coups de revolver, au risque d'attirer des passants. Et il faudra vraiment une nervosité inouïe pour manquer un homme inanimé sur lequel on fait feu à bout portant, quoiqu'encore cela soit possible. L'opinion selon laquelle c'était M. Cohen qui avait tiré en l'air au hasard, alors qu'on venait de l'attaquer par derrière, était beaucoup plus plausible. Vous comprendrez donc comment les magistrats, le jury, la police et le public tombèrent d'accord pour proclamer que l'accusé pouvait quitter la salle librement et que rien ne restait de l'accusation.